courbe-moi comme un serpent perfide et froid. Jalousie, tu arrives dans ta chaîne, mon cœur glacé d'effroi. Jalousie, tu viens salir de ton volant la blanche trame du destin. Jalousie, tu fais surgir de la haine dans l'ombre du chemin. Ton secret, mais tu sais ce qu'il faut tour à tour pour empoisonner au long des jours mon amour. Jalousie, je sais par toi qu'un étranger a pris ma belle au cœur léger. Jalousie, j'attends dans ma folie la joie de me venger. Je cueillais la douce fleur de l'espoir et du bonheur comme au temps de ma jeunesse. Je cachais le désir de l'amant pour t'aimer comme on aime une enfant. Longtemps je t'ai vu grandir, m'inquiétant de tes soupirs et riant de ton plaisir. Mais tu n'es qu'une femme et j'ai peur de tes beaux yeux trompeurs. Jalousie, tu viens ramper autour de moi comme un serpent perfide et froid. Jalousie, tu arrives dans ta chaîne, mon cœur glacé d'effroi. Jalousie, tu viens salir de ton venin la blanche trame du destin. Jalousie, tu fais surgir la haine dans l'ombre du chemin. Ton secret, mais tu sais ce qu'il faut tour à tour pour empoisonner au long des jours mon amour. Jalousie, je sais par toi qu'un étranger a pris ma belle au cœur léger. Jalousie, j'attends dans ma folie la joie de me venger.